action, scène côté court, on change le ton, tu joues contre joues, mais qui voit-on devant la glace, qui fait ses sourires, ses grimaces? T'es venu chercher les pyramides, mais derrière le décor, c'est le vide. On passe le passé, les passe-passe, on maquille bien les traces. Belle appuyée, jeune acrobate, mais rien n'est jamais loin. Tu le sais bien, alors tu suis ton instinct, tu devines le chemin. Donc tu cours toujours pour la belle essence, tous ces beaux détours, ton empire d'essence. On passe la nuit sur une étoile, on en revient un peu plus pâle. Qui sait pour qui sont ces tambours? Fellas gone baby, je suis pas sourd. On s'en lasse et on s'en lasse, et me coûte le temps qui passe. À chaque fois que tu les croises en face, mais rien n'est jamais loin. Tu le sais bien, alors tu suis ton instinct, devine le chemin. Des ronds sur la moquette, tu coupes le son, change la vedette, mais rien n'est jamais loin. Je le sais bien, alors je suis mon instinct, je devine le chemin. Non, rien n'est jamais loin. Je le sais bien, quand on n'oublie pas le chemin. Non, rien n'est jamais loin. Jamais loin.